Colossiens 1, 27, je crois, 1, 26, 27. C'est Paul qui écrit aux Colossiens. Dieu m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire le plein secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce plein secret si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret, ou ce mystère. Le Christ est en vous, et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Ce petit vidéo-là, c'était en introduction à la Sainte Cène qu'on va prendre. Mais en même temps, je voulais vous en parler un peu davantage. Il y a un bon bout de temps, quand j'étais enceinte de Charlotte, il y avait quelque chose qui me troublait beaucoup. Je ne connaissais pas Dieu à l'époque. Pour moi, Dieu n'existait pas. Mais il y avait quelque chose qui me troublait beaucoup. J'avais conscience qu'en donnant la vie à ma fille, je lui donnais aussi la mort. Parce que si je la mettais au monde, un jour, elle mourrait. Puis, vu de maintenant, je me dis, ben, ça doit être pas mal quand on ne connaît pas Dieu, là, quand on ne connaît pas l'espérance qui est la nôtre, ça doit être pas mal l'impasse dans laquelle tout le monde se trouve plus ou moins. Imaginez une impasse, là, un mur au fond d'une ruelle, puis le mur est tellement haut que de toute façon, il n'y a rien à faire. On peut pas passer, la vie commence, ça s'arrête, puis voilà, c'est plate, mais c'est de même. Il y a un verset qui dit ça aussi, Éphésiens chapitre 11, verset 12. « Eh bien, en ce temps-là, vous étiez loin du Christ, vous étiez étrangers, vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu, vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine, vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. » Mais là, la révolution dont parlait le premier vidéo, c'est Jésus qui l'a fait vraiment. En venant vivre parmi nous, en s'incarnant, en nous montrant tout au long de la vie qu'il a menée sur la terre, comment est le Père, comment est Dieu, en faisant les œuvres de Dieu, en guérissant inlassablement, en aimant inlassablement. Il nous a montré tout ça. Puis, il a vécu notre humanité jusqu'au bout de ce qu'on croit connaître pour l'instant, c'est-à-dire qu'il est mort. Là où tout le monde passe, est passé, va passer. Mais la mort ne l'a pas retenu, il est ressuscité. En fait, aujourd'hui, il est vraiment ressuscité. Et dans le grand mur, au fond de la même l'impasse, il a vraiment ouvert une porte. Imaginez la porte comme vous voulez, là. C'est peut-être juste une petite porte, puis on se faufile, ou c'est une grande porte dorée, je ne sais pas, là. Mais il a vraiment ouvert une porte. Il nous a donné une espérance, en tout cas à moi, il m'a donné une espérance. Et quand je repense à cette époque-là où j'étais dans l'impasse, puis c'était d'une tristesse à mourir justement, c'est plus comme ça. Les enfants que j'ai, ou en tout cas les gens que je côtoie, je sais qu'en moi je porte l'espérance qui est celle de Dieu, de la vie que lui donne, de la vie que lui peut donner. Je faisais référence aux vidéos de Justus, là, parce que c'est vraiment une révolution. Au lieu d'aller de la naissance à la mort et de plus rien avoir, c'est la résurrection qui nous est proposée. L'espérance. J'entends, c'est dans Apocalypse 21. Puis là, ça va... ça va avec les vidéos aussi. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait « Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Il n'y aura plus de mort. C'est toute une révolution. Il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Puis cette révolution, cette espérance qui est à venir, Dieu nous donne ça maintenant, dans la vie présente. Et comme on finissait le stéthoscope, la Christ en vous, l'espérance de la gloire, moi je vous avoue que je me suis creusé la tête, puis j'ai essayé de comprendre ces trucs-là, puis d'une façon un peu, je veux dire mystique, là, tu sais, comme le verset qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », j'ai donc essayé de comprendre celui-là, mystiquement parlant. Mais maintenant, je dirais que Christ vit en nous. Pour moi, ça peut prendre toutes sortes de couleurs. Oui, ça peut être mystique, mais ça peut être aussi très terre-à-terre. Puis, dans le laps de temps qui nous est donné à vivre sur la terre, que Christ vive en nous, c'est toutes sortes de choses qui vont transparaître dans notre quotidien. C'est son esprit qui va se manifester dans les gestes qu'on pose, dans les relations qu'on a les uns avec les autres, dans la façon dont on aborde nos relations, dans les guérisons qu'il nous donne aussi, parce qu'on est tous plus ou moins handicapés de plusieurs façons là, dans notre humanité. Puis autant Jésus a guéri sur terre, toutes sortes de handicaps, autant dans nos vies, je m'attends à ce que sa résurrection, son espérance, l'espérance de la gloire, que ça soit efficace pour nous guérir des handicaps qu'on peut cacher dans le profond. L'espérance de la gloire, c'est Christ qui vit en moi et c'est ce qui va ressortir, c'est lui qui attire le regard vers lui. C'est l'espérance qui agit en moi et c'est ça qui va se matérialiser dans les petites choses.